J'allais chercher de la consolation au Carmel, et j'en trouvais près de vous, ma mère chérie. Oh non, jamais je n'oublierai tout ce que vous avez souffert à cause de moi. Si je ne craignais de les profaner en m'en servant, je pourrais dire les paroles que Jésus adressait à ses apôtres le soir de sa passion. C'est vous qui avez été toujours avec moi dans toutes mes épreuves. Mes bien-aimées sœurs m'offrirent aussi de bien douces consolations. 3 jours après le voyage de Bayeux, je devais en faire un beaucoup plus long, celui de la ville éternelle. Ah, quel voyage que celui-là ! Lui seul m'a plus instruite que de longues années d'études. Il m'a montré la vanité de tout ce qui passe, et que tout est affliction d'esprit sous le soleil. Cependant, j'ai vu de bien belles choses, j'ai contemplé toutes les merveilles de l'art et de la religion. Surtout, j'ai foulé la même terre que les saints apôtres, la terre arrosée du sang des martyrs, et mon âme s'est agrandie au contact des choses saintes. Je suis bien heureuse d'avoir été à Rome, mais je comprends les personnes du monde qui pensèrent que papa m'avait fait faire ce grand voyage afin de changer mes idées de vie religieuse. Il y avait en effet de quoi ébranler une vocation peu affermie. N'ayant jamais vécu parmi le grand monde, Céline et moi, nous nous trouvâmes au milieu de la noblesse qui composait presque exclusivement le pèlerinage. Ah, bien loin de nous éblouir, tous ces titres et ces deux ne nous parurent qu'une fumée. De loin, cela m'avait quelquefois jeté un peu de poudre aux yeux. Mais de près, j'ai vu que tout ce qui brille n'est pas or, et j'ai compris cette parole de l'imitation. Ne poursuivez pas cette ombre qu'on appelle un grand nom, ne désirez ni de nombreuses liaisons, ni l'amitié particulière d'aucun homme. J'ai compris que la vraie grandeur se trouve dans l'âme et pas dans le nom, puisque, comme le dit Isaïe, le Seigneur donnera un autre nom à ses élus. Et saint Jean dit aussi que le vainqueur recevra une pierre blanche, sur laquelle est écrit un nom nouveau, que nul ne connaît que celui qui le reçoit. C'est donc au ciel que nous saurons quels sont nos titres de noblesse. Alors chacun recevra de Dieu la louange qu'il mérite, et celui qui sur la terre aura voulu être le plus pauvre, le plus oublié pour l'amour de Jésus, celui-là sera le premier, le plus noble et le plus riche. La seconde expérience que j'ai faite regarde les prêtres. N'ayant jamais vécu dans leur intimité, je ne pouvais comprendre le but principal de la réforme du Carmel. Prier pour les pécheurs me ravissait, mais prier pour les âmes des prêtres, que je croyais plus purs que le cristal, me semblait étonnant. Ah, j'ai compris ma vocation en Italie. Ce n'était pas aller chercher trop loin une si utile connaissance. Pendant 1 mois, j'ai vécu avec beaucoup de saints prêtres et j'ai vu que, si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils n'en sont pas moins des hommes faibles et fragiles. Si de saints prêtres que Jésus appelle dans son évangile le sel de la terre montrent dans leur conduite qu'ils ont un extrême besoin de prière, que faut-il dire de ceux qui sont tièdes? Jésus n'a-t-il pas dit encore « Si le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on » Ô ma mère, quelle est belle la vocation ayant pour but de conserver le sel destiné aux âmes. Cette vocation est celle du Carmel, puisque l'unique fin de nos prières et de nos sacrifices est d'être l'apôtre des apôtres. Prions pour eux, pendant qu'ils évangélisent les âmes par leurs paroles et surtout par leurs exemples. Il faut que je m'arrête. Si je continue de parler sur ce sujet, je ne finirai pas. Je vais, ma mère chérie, vous raconter mon voyage avec quelques détails. Pardonnez-moi si je vous en donne trop. Je ne réfléchis pas avant d'écrire. Et je le fais en tant de fois différentes à cause de mon peu de temps libre que mon récit vous paraîtra peut-être ennuyeux. Ce qui me console, c'est de penser qu'au ciel, je vous reparlerai des grâces que j'ai reçues, et que je pourrai le faire alors en termes agréables et charmants. Plus rien ne viendra interrompre nos épanchements intimes, et dans un seul regard, vous aurez tout compris. Hélas, puisqu'il me faut encore employer le langage de la triste terre, je vais essayer de le faire avec la simplicité d'un petit enfant qui connaît l'amour de sa mère. Ce fut le 7 novembre que le pèlerinage partit de Paris, mais papa nous conduisit dans cette ville quelques jours avant pour nous la faire visiter. Un matin, à 3 heures, je traversai la ville de Lisieux encore endormie. Bien des impressions passèrent dans mon âme à ce moment. Je sentais que j'allais vers l'inconnu et que de grandes choses m'attendaient là-bas. Papa était joyeux. Lorsque le train se mit en marche, il chanta ce vieux refrain « Roule, roule, ma diligence, nous voilà sur le grand chemin ». Arrivés à Paris dans la matinée, nous commençâmes aussitôt à le visiter. Ce pauvre petit père se fatigua beaucoup, afin de nous faire plaisir. Aussi nous eûmes bientôt vu toutes les merveilles de la capitale. Pour moi, je n'en trouvais qu'une seule qui me ravit. Cette merveille fut Notre-Dame des Victoires. Ah, ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire. Les grâces qu'elle m'accorda m'émurent si profondément que mes larmes seules traduisirent mon bonheur, comme au jour de ma première communion. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi, je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman, car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. Avec quelle ferveur ne l'ai-je pas prié de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve en me cachant à l'ombre de son manteau virginal. Ah, c'était là un de mes premiers désirs d'enfant. En grandissant, j'avais compris que c'était au Carmel qu'il me serait possible de trouver véritablement le manteau de la Sainte Vierge. Et c'était vers cette montagne fertile que tendaient tous mes désirs. Je suppliais encore Notre-Dame des Victoires d'éloigner de moi tout ce qui aurait pu ternir ma pureté. Je n'ignorais pas qu'en un voyage comme celui d'Italie, il se rencontrerait bien des choses capables de me troubler. Surtout parce que ne connaissant pas le mal, je craignais de le découvrir. N'ayant pas expérimenté que tout est pur pour les purs et que l'âme simple et droite ne voit de mal à rien, puisqu'en effet le mal n'existe que dans les cœurs impurs et non dans les objets insensibles. Je priais aussi Saint Joseph de veiller sur moi. Depuis mon enfance, j'avais pour lui une dévotion qui se confondait avec mon amour pour la Sainte Vierge. Chaque jour, je récitais la prière « Ô Saint Joseph, Père et Protecteur des Vierges ». Aussi, ce fut sans crainte que j'entrepris mon lointain voyage. J'étais si bien protégée qu'il me semblait impossible d'avoir peur. Après nous être consacrés au Sacré-Cœur dans la basilique de Montmartre, nous partîmes de Paris le lundi 7 dès le matin. Bientôt, nous eûmes fait connaissance avec les personnes du pèlerinage. Moi, si timide qu'ordinairement j'osais à peine parler, je me trouvais complètement débarrassée de ce gênant défaut. À ma grande surprise, je parlais librement avec toutes les grandes dames, les prêtres et même Monseigneur de Coutances. Il me semblait avoir toujours vécu dans ce monde-là. Nous étions, je crois, bien aimés de tout le monde et papa semblait fier de ses deux filles. Mais s'il était fier de nous, nous l'étions également de lui, car il n'y avait pas dans tout le pèlerinage un monsieur plus beau ni plus distingué que mon roi chéri. Il aimait à se voir entouré de Céline et de moi. Souvent, lorsque nous n'étions pas en voiture et que je m'éloignais de lui, il m'appelait afin que je lui donne le bras comme à Lisieux. Monsieur l'abbé Révéroni examinait soigneusement toutes nos actions. Je le voyais souvent de loin qui nous regardait. À table, lorsque je n'étais pas en face de lui, il trouvait moyen de se pencher pour me voir et entendre ce que je disais. Sans doute il voulait me connaître pour savoir si vraiment j'étais capable d'être carmélite. Je pense qu'il a dû être satisfait de son examen, car à la fin du voyage il parut bien disposé pour moi. Mais à Rome il a été loin de m'être favorable, comme je vais le dire plus loin. Avant d'arriver à cette ville éternelle, but de notre pèlerinage, il nous fut donné de contempler bien des merveilles. D'abord ce fut la Suisse, avec ses montagnes dont le sommet se perd dans les nuages, ses cascades gracieuses jaillissant de mille manières différentes, ces vallées profondes remplies de fougères gigantesques et de bruyères roses. Ah, ma mère chérie, que ces beautés de la nature répandues à profusion ont fait de bien à mon âme. Comme elles l'ont élevée vers celui qui s'est plu à jeter de pareils chefs-d'œuvre sur une terre d'exil qui ne doit durer qu'un jour. Je n'avais pas assez d'yeux pour regarder. Debout à la portière, je perdais presque la respiration. J'aurais voulu être des deux côtés du wagon, car en me détournant, je voyais des paysages d'un aspect enchanteur et tout différent de ceux qui s'étendaient devant moi. Parfois nous nous trouvions au sommet d'une montagne, à nos pieds des précipices dont le regard ne pouvait sonder la profondeur, semblaient prêts à nous engloutir. Ou bien c'était un ravissant petit village, avec ses gracieux chalets et son clocher, au-dessus duquel se balançaient mollement quelques nuages éclatant de blancheur. Plus loin c'était un vaste lac que doraient les derniers rayons du soleil. Les flots, calmes et purs, empruntant la teinte azurée du ciel qui se mêlait au feu du couchant, présentait à nos regards émerveillés le spectacle le plus poétique et le plus enchanteur qui se puisse voir. Au fond du vaste horizon, on apercevait les montagnes dont les contours indécis auraient échappé à nos yeux si leur sommet neigeux que le soleil rendait éblouissant n'était venu ajouter un charme de plus au beau lac qui nous ravissait. En regardant toutes ces beautés, il naissait en mon âme des pensées bien profondes. Il me semblait comprendre déjà la grandeur de Dieu et les merveilles du ciel. La vie religieuse m'apparaissait telle qu'elle est, avec ses assujettissements, ses petits sacrifices accomplis dans l'ombre. Je comprenais combien il est facile de se replier sur soi-même, d'oublier le but sublime de sa vocation et je me disais « Plus tard, à l'heure de l'épreuve, lorsque, prisonnière au Carmel, je ne pourrai contempler qu'un petit coin du ciel étoilé, je me souviendrai de ce que je vois aujourd'hui. Cette pensée me donnera du courage, j'oublierai facilement mes pauvres petits intérêts en voyant la grandeur et la puissance du Dieu que je veux aimer uniquement. Je n'aurai pas le malheur de m'attacher à des pailles. Maintenant que mon cœur a pressenti ce que Jésus réserve à ceux qui l'aiment. Après avoir admiré la puissance du bon Dieu, je pus encore admirer celle qu'il a donnée à ses créatures. La première ville d'Italie que nous avons visitée fut Milan. Sa cathédrale, tout en marbre blanc, avec ses statues assez nombreuses pour former un peuple presque innombrable, fut visitée par nous dans ses plus petits détails. Céline et moi nous étions intrépides, toujours les premières et suivantes immédiatement mon Seigneur, afin de tout voir en ce qui concernait les reliques des saints et bien entendre les explications. Ainsi, pendant qu'il offrait le saint sacrifice sur le tombeau de Saint Charles, nous étions avec papa derrière l'autel, la tête appuyée sur la châsse qui renferme le corps du saint, revêtu de ses habits pontificaux. C'était ainsi partout, excepté lorsqu'il s'agissait de monter là où la dignité d'un évêque ne le permettait pas, car alors nous savions bien quitter sa grandeur. Laissant les dames timides se cacher les figures dans les mains, après avoir gravi les premiers clochetons qui couronnent la cathédrale, nous suivions les pèlerins les plus hardis et arrivions jusqu'au sommet du dernier clocher de marbre, dont nous avions le plaisir de voir à nos pieds la ville de Milan, dont les nombreux habitants ressemblaient à une petite fourmilière. Descendus de notre piédestal, nous commençâmes nos promenades en voiture, qui devaient durer un mois, et me rassasier pour toujours de mon désir de rouler sans fatigue. Le Campo Santo nous ravit encore plus que la cathédrale. Toutes ces statues de marbre blanc qu'un ciseau de génie semble avoir animé sont placées sur le vaste champ des morts avec une sorte de négligence, ce qui pour moi augmente leur charme. On serait tenté de consoler les idéales personnages qui vous entourent. Leur expression est si vraie, leur douleur si calme et si résignée, qu'on ne peut s'empêcher de reconnaître les pensées d'immortalité qui doivent remplir le cœur des artistes exécutant ces chefs-d'œuvre. Ici, c'est une enfant jetant des fleurs sur la tombe de ses parents. Le marbre semble avoir perdu sa pesanteur et les pétales délicats semblent glisser entre les doigts de l'enfant. Le vent paraît déjà les disperser. Il paraît aussi faire flotter le voile léger des veuves et les rubans dont sont ornés les cheveux des jeunes filles. Papa était aussi ravi que nous. En Suisse, il avait été fatigué. Mais alors, sa gaieté ayant reparu, il jouissait du beau spectacle que nous contemplions. Son âme d'artiste se révélait dans les expressions de foi et d'admiration qui paraissaient sur son beau visage. Un vieux monsieur, français, qui sans doute n'avait pas l'âme aussi poétique, nous regardait du coin de l'œil et disait avec mauvaise humeur, tout en ayant l'air de regretter de ne pas pouvoir partager notre admiration. « Ah, que les Français sont donc enthousiastes !» Je crois que ce pauvre monsieur aurait mieux fait de rester chez lui, car il ne m'a pas paru être content de son voyage. Il se trouvait souvent près de nous et toujours des plaintes sortaient de sa bouche. Il était mécontent des voitures, des hôtels, des personnes, des villes, enfin, de tout. Papa, avec sa grandeur d'âme habituelle, essayait de le consoler, lui offrait sa place, etc. Enfin, il se trouvait toujours bien partout, étant d'un caractère directement opposé à celui de son désobligeant voisin. Ah, que nous avons vu de personnages différents! Quelle intéressante étude que celle du monde, quand on est prêt de le quitter. À Venise, la scène changea complètement. Au lieu du bruit des grandes villes, on n'entend au milieu du silence que les cris des gondoliers et le murmure de l'onde agitée par les rames. Venise n'est pas sans charme, mais je trouve cette ville triste. Le palais des doges est splendide, cependant il est triste lui aussi, avec ses vastes appartements où s'étale l'or, le bois, les marbres les plus précieux et les peintures des plus grands maîtres. Depuis longtemps, ces voûtes sonores ont cessé d'entendre la voix des gouverneurs, qui prononçaient des arrêts de vie et de mort dans les salles que nous avons traversées. Ils ont cessé de souffrir les malheureux prisonniers, renfermés par les doges dans les cachots et les oubliettes souterraines. En visitant ces affreuses prisons, je me croyais au temps des martyrs, et j'aurais voulu pouvoir y rester afin de les imiter. Mais il fallut promptement en sortir et passer sur le pont des soupirs, ainsi appelé à cause des soupirs de soulagement que poussaient les condamnés en se voyant délivrés de l'horreur des souterrains auxquels ils préféraient la mort. Après Venise, nous sommes allés à Padoue, où nous avons vénéré la langue de saint Antoine, puis à Bologne, où nous avons vu sainte Catherine qui garde l'empreinte du baiser de l'enfant Jésus. Il est bien des détails intéressants que je pourrais donner sur chaque ville et sur les mille petites circonstances particulières de notre voyage, mais je n'en finirai pas. Aussi, je ne vais écrire que les détails principaux. Ce fut avec joie que je quittai Bologne. Cette ville m'était devenue insupportable par les étudiants dont elle est remplie et qui formaient une haie quand nous avions le malheur de sortir à pied. Surtout à cause de la petite aventure qui m'est arrivée avec l'un d'eux, je fus heureuse de prendre la route de Lorette. Je ne suis pas surprise que la Sainte Vierge ait choisi cet endroit pour y transporter sa maison bénie. La paix, la joie, la pauvreté y règnent en souveraine. Tout est simple et primitif. Les femmes ont conservé leur gracieux costume italien et non pas comme celles des autres villes adopté la mode de Paris. Enfin, Lorette m'a charmée. Que dirais-je de la Sainte Maison ? Ah, mon émotion a été profonde en me trouvant sous le même toit que la Sainte Famille, en contemplant les murs sur lesquels Jésus avait fixé ses yeux divins, en foulant la terre que Saint Joseph avait arrosée de sueur, où Marie avait porté Jésus entre ses bras après l'avoir porté dans son sein virginal. J'ai vu la petite chambre où l'ange descendit auprès de la Sainte Vierge. J'ai déposé mon chapelet dans la petite écuelle de l'enfant Jésus. Que ces souvenirs sont ravissants. Mais notre plus grande consolation fut de recevoir Jésus lui-même dans sa maison et d'être son temple vivant, au lieu même qu'il avait honoré de sa présence. Suivant un usage d'Italie, le Saint-Ciboire ne se conserve dans chaque église que sur un autel, et là seulement on peut recevoir la Sainte Communion. Cet autel était dans la basilique même où se trouve la Sainte Maison, renfermé comme un diamant précieux dans un écrin de marbre blanc. Cela ne fit pas notre bonheur. C'était dans le diamant lui-même et non pas dans l'écrin que nous voulions faire la communion. Papa, avec sa douceur ordinaire, fit comme tout le monde, mais Céline et moi allâmes trouver un prêtre qui nous accompagnait partout et qui justement se préparait à célébrer sa messe dans la Santa Casa par un privilège spécial. Il demanda deux petites hosties qu'il plaça sur sa patène avec sa grande hostie et vous comprenez, ma mère chérie, quel fut notre ravissement de faire toutes les deux la Sainte Communion dans cette maison bénie. C'était un bonheur tout céleste que les paroles sont impuissantes à traduire. Que sera-ce donc quand nous recevrons la communion dans l'éternelle demeure du roi des cieux? Alors nous ne verrons plus finir notre joie. Il n'y aura plus de tristesse du départ. Et pour emporter un souvenir, il ne nous sera pas nécessaire de gratter furtivement les murs sanctifiés par la présence divine, puisque sa maison sera la nôtre pour l'éternité. Il ne veut pas nous donner celle de la terre. Il se contente de nous la montrer, pour nous faire aimer la pauvreté et la vie cachée, celle qu'il nous réserve est son palais de gloire, où nous ne le verrons plus caché sous l'apparence d'un enfant ou d'une blanche hostie, mais tel qu'il est dans l'éclat de sa splendeur infinie. C'est maintenant de Rome qu'il me reste à parler, de Rome, but de notre voyage, là où je croyais rencontrer la consolation, mais où je trouvais la croix. À notre arrivée, il faisait nuit, et, nous étant endormis, nous fûmes réveillés par les employés de la gare qui criaient « Roma, Roma !» Ce n'était pas un rêve, j'étais à Rome.